si la loi de Moore qui prédit l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul des ordinateurs a un peu de plomb dans l'aile ces dernières années, avec une stagnation dans la miniaturisation et une limite des composants classiques des transistors, ce n'est peut-être que transitoire. Fin août, une équipe du MIT a réussi l'exploit d'assembler et de faire fonctionner un microprocesseur composé de 14 000 transistors de nanotubes en nanotubes de carbone. Ces nanotubes peuvent-ils représenter l'informatique, mais aussi l'optique, l'électronique et la médecine de demain? C'est ce que nous allons chercher à savoir. Nanotube de carbone, petit mais costaud, c'est le programme énergétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les propriétés singulières de ces nanotubes et leurs potentielles applications futures ou présentes d'ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Annick Loiseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au laboratoire mixte CNRS-ONERA d'études des microstructures. Et Christophe Voisin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris Diderot, chercheur au laboratoire de physique de l'école normale supérieure. Mais pour commencer, comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité des sciences et de la recherche dans le journal des sciences avec vous, Natacha Triou. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude publiée hier dans Astrophysical Journal qui contredit les modèles de physique de la matière noire. La matière noire, cela fait 50 ans que l'on tente de détecter cette hypothétique matière noire. Elle expliquerait le comportement des galaxies entre elles et les anomalies de vitesse de rotation d'étoiles. À partir des nouvelles données du satellite Gaïa, une équipe franco-chinoise a réexaminé les étoiles et la dynamique des galaxies naines proches de notre Voie lactée. Les chercheurs se sont aperçus que leurs orbites n'étaient non pas circulaires, comme on le pensait, comme des satellites autour de notre galaxie, mais que leurs orbites étaient radiales, c'est-à-dire qu'elles viennent vers la Voie lactée de façon brutale. À partir de là, leur étude montre que ce qui est établi pour de la matière noire est en fait un phénomène physique beaucoup plus simple, un effet de marée, celui que la Voie lactée exerce sur les galaxies naines qui l'entourent. François Hamer est astrophysicien à l'Observatoire de Paris, il est le co-signataire de cette étude. On sait que les ancêtres de ces petites galaxies, et ça c'est sûr, et c'est complètement accepté, sont des galaxies qui sont très riches en gaz. Lorsque ces objets tombent vers la Voie lactée, ce qui va se passer, c'est que le gaz qui environne la Voie lactée va faire ce qu'on appelle une pression dynamique sur le gaz des petites galaxies. Et évidemment, celle qui va perdre, c'est la petite galaxie, c'est pas notre galaxie, la grande galaxie. Et le résultat net, c'est que la petite galaxie va perdre tout son gaz. Elle va être donc les étoiles qui, elles, vont rester, par contre, vont être totalement déséquilibrées, elles vont s'expandre. Et à partir du moment où elles s'expandent, en fait, ce qui va se passer, c'est que la Voie lactée va exercer sur les étoiles ce qu'on appelle des chocs de marée. Le résultat, c'est que ça va augmenter leur dispersion de vitesse, et donc on va avoir l'impression qu'il y a une dispersion de vitesse très grande. Donc on a attribué ça à la matière sombre, mais en fait, c'est pas du tout la matière sombre, c'est simplement cet effet de marée. Ce qui est intéressant avec vos travaux, c'est que ça suggère que, en tout cas, il n'y a pas de matière noire, ou du moins, si elle existe, elle n'a pas d'effet. Exactement. Alors ça a des conséquences. Et c'est quelque chose d'assez difficile à faire passer parce que ça remet en cause, enfin, plus de 40 ans de recherche, en fait, dans le domaine, dans lesquels, en fait, on trouve des relations, alors qui sont des relations physiques, qu'on appelle des relations d'échelle, des relations un peu fondamentales entre des quantités comme la masse, le rayon, qu'on reproduit très très bien avec ce modèle d'effet de marée et qu'on ne reproduit pas avec le modèle de matière sombre. Voilà le lien vers cette étude de François Hamer ainsi que vers plusieurs émissions de la méthode scientifique où nous avions traité de cette matière noire et des problèmes de physique que cela pose et d'astrophysique. Tout ça c'est sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. La NASA a publié aujourd'hui les enregistrements sonores des tremblements de Mars. En novembre 2018, l'atterrisseur InSight s'est posé sur Mars et depuis, son sismomètre SEIS capte les vibrations des sous-sols. En avril dernier, il enregistrait le premier séisme martien. Depuis, il a détecté une centaine de secousses, 21 signaux sont considérés comme des séismes. On écoute l'un d'entre eux, tendez l'oreille. Hop, c'était là. alors ce qu'on entend a été reconstitué pour être audible pour l'oreille humaine. Mais grâce à ces grondements, on en sait plus sur la composition de la croûte martienne. La façon dont ces ondes se propagent pendant plusieurs longues minutes indique que la croûte martienne est à mi-chemin entre la croûte terrestre et celle de la Lune. Selon une étude parue aujourd'hui dans The Proceedings of the Royal Society, les personnes aveugles développent des capacités d'adaptation cérébrale insoupçonnées. Des chercheurs britanniques ont mené diverses expériences d'écholocalisation, le fait de se repérer les yeux fermés grâce au cliquetis d'un objet. Ils montrent que pour traiter ces échos, les personnes aveugles utilisent une zone à l'arrière du cerveau, le cortex visuel primaire. C'est cette même zone qui permet aux personnes voyantes de se repérer dans l'espace. Sans l'usage d'un sens, la vue en l'occurrence, le cortex visuel peut donc adapter sa capacité de cartographie spatiale à un autre sens. L'étude suggère que le cerveau n'est pas organisé par système sensoriel, mais par tâche, et qu'il fait preuve d'une flexibilité neuronale jusque-là inconnue. Et pour conclure, dans Nature hier, une équipe internationale vient de synthétiser un composé dit impossible avec une supraconductivité sans précédent. Jusqu'à présent, les supraconducteurs sont limités à des températures très basses ou à des pressions atmosphérique extrêmement élevée, ce qui rend ces technologies très coûteuses et très limitées dans leurs applications. Ce nouveau composé, c'est le superhydride de cérium, le CEH9. Il comprend du cérium et beaucoup d'hydrogène, et il présente une supraconductivité à une pression relativement basse. C'est pour ça qu'on dit impossible, car l'hydrogène peut devenir supraconducteur, mais seulement sous une pression énorme. Néanmoins, le CEH9 nécessite encore des températures basses, de moins de 200 degrés, pour pouvoir fonctionner. Merci Natacha, on vous retrouve demain, le journal des sciences que vous pouvez retrouver tous les jours, comme d'habitude, sur franceculture.fr, ainsi que les études mentionnées sur notre fil Twitter. Nous passons donc à notre sujet du jour, les nanotubes de carbone, qui sont, disait Richard Eretz-Mollet, prix Nobel de chimie en 1996 pour sa découverte d'une autre nanostructure de carbone, les fullerènes. Les nanotubes de carbone, sont si beaux qu'ils doivent être utiles à quelque chose. On était en 1996. Depuis, de fait, après une première vague d'enthousiasme dans les années 90, vague un peu retombée du fait de la difficulté de synthèse de ces nanotubes, cette difficulté commence à se lever en partie et ça a conduit une équipe du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, à publier fin août dans Nature une étude sur un microprocesseur fonctionnel composé de 14 000 nanotubes de carbone. On appelle ça concrètement des CNFET pour Carbon Nanotube Field Effect Transistor. Peut-être un mot sur cette publication qui nous a conduit à nous intéresser, nous aussi, aujourd'hui, à la méthode scientifique à ces nanotubes de carbone, Christophe Voisin. Oui, alors tout à fait, comme vous le dites, la recherche sur les nanotubes de carbone a débuté il y a une vingtaine d'années. Et après que les premiers concepts ont été mis en évidence rapidement, au début des années 2000, il y a eu tout un travail plus souterrain, moins visible, qui a réussi à amener cet objet à un niveau de développement technologique compatible avec des applications réelles. Donc ça ne veut pas dire que les nanotubes de carbone avaient déserté les laboratoires de recherche, mais après l'euphorie des premières découvertes, il y a une phase un peu plus ingrate et un peu plus longue de mise au point technologique qui a abouti donc là récemment à une publication tout à fait spectaculaire. Annie Cloiseau, sur cette publication, effectivement, et cette résurgence, les premières applications, en fait. Ce que décrit Christophe Voisin, c'est le temps de la recherche après la découverte, le temps de la recherche fondamentale qui conduit à des premières applications. Le premier transistor à effet de champ à base de nanotubes, c'est 1998, donc un peu plus de 20 ans. Après cette expérience à l'époque vraiment spectaculaire. Spectaculaire à l'époque parce que c'était une prouesse à tous les niveaux. C'était une prouesse d'arriver à faire un transistor avec des objets aussi petits, d'arriver à isoler un nanotube, à le poser sur des électrodes, à mesurer ses propriétés de transport. Les étudiants des groupes à l'époque, il y avait deux groupes en parallèle qui ont fait ces expériences, ont dû passer des nuits et des nuits parce qu'ils posaient en gros une goutte de solution de nanotube et ils cherchaient les nanotubes qui étaient ensuite bien posés comme il fallait sur les électrodes. Enfin, c'est à travers travail de fourmi extraordinaire. Et donc, après cette première... Et ce premier transistor, pardon, il utilisait combien de nanotubes de carbone ? Un seul. Un transistor. D'accord. Avec un nanotube. Mmh. Et c'est d'ailleurs grâce à ces expériences qu'on avait vérifié à l'époque qu'il y avait deux types de tubes, des tubes métalliques et des tubes semi-conducteurs. Et on y reviendra bien sûr. Après ça, il y a eu d'autres expériences où on a démontré qu'avec les nanotubes, on pouvait faire toutes les briques qui composent un processeur, en fait, un composant, tous les composants électroniques, que ce soit des composants fonctionnels ou des mémoires, des composants mémoire, on pouvait les faire avec les nanotubes. Alors ça, c'était une phase extraordinaire qui est donc la fin des années 90, début des années 2000. Et on a cru à ce moment-là, ça y était. Il y a d'ailleurs eu des émissions qui tendaient à dire ça y est, on va faire l'ordinateur à nanotubes. Et le temps de latence qui s'est passé, donc quasiment 20 ans, c'est le temps pour apprendre à travailler avec ce matériau. Comprendre comment on le manipule, comment on gère son environnement, comment cet environnement agit sur les propriétés du nanotube, et comment on arrive à fabriquer, bon là 14 000, on est passé de 1 à 14 000, comment on fait. Et c'est d'un point de vue, si on prend les concepts dans l'article, il n'y a pas de découverte révolutionnaire. C'est vraiment la maîtrise de toutes les briques et de tout le savoir-faire techno qui a été accumulé depuis 20 ans qui permet d'obtenir ce résultat qui ouvre une porte très très importante pour l'avenir des ordinateurs. Et on va avoir le temps de reparler de ces applications et de cet avenir de l'opto-électronique, disons, via des nanotubes de carbone. Un mot tout de même pour compléter, Christophe Voisin. Oui, donc pour comprendre l'enthousiasme qui a accompagné ces premières mises en évidence de transport d'électricité dans les nanotubes de carbone, il faut peut-être revenir sur les dimensions de cet objet. Alors on va y arriver, je voudrais peut-être, parce qu'on va tout vous réexpliquer, on va repartir depuis le début, on va comprendre non seulement ce que c'est qu'un nanotube de carbone, quelles sont ses propriétés, et ensuite, in fine, comment on les applique. Mais peut-être un mot, c'est vrai, Annick Loiseau le disait à l'instant, au début des années 2000, quand on a ces premiers résultats, on entendait que c'était le matériau du futur, le matériau révolutionnaire qui allait tout remplacer. Est-ce que cet enthousiasme-là a été tempéré parce qu'on a trouvé des limites intrinsèques à l'utilisation de ces nanotubes, ou est-ce que juste c'est maintenant le temps progressivement qu'on arrive effectivement à ce niveau d'application, Christophe Voisin? Alors il faut bien voir que ces nanotubes apportaient des promesses dans un nombre de domaines extrêmement vastes et variés. Alors certains informatique, médecine, électronique, mécanique, optique, biologie, enfin vraiment c'est très très très vaste. Alors certains développements se sont faits assez naturellement dans le prolongement de choses qui existaient déjà, par exemple le renfort mécanique. Vous trouvez actuellement dans le commerce tout un tas de matériaux qui sont renforcés avec des nanotubes de carbone. Comme par exemple ? Alors des polymères, des choses dans les raquettes de tennis, dans des matériaux pour la construction automobile, aéronautique. C'est des matériaux à la fois extrêmement légers et extrêmement robustes qui, du fait de leur petite taille, s'incorporent facilement dans des matrices habituellement utilisées par les constructeurs et viennent juste apporter un petit plus à ce matériau. Autre aspect, par exemple, sont des objets qui peuvent conduire l'électricité, ce dont on discute depuis le début, mais on peut les mettre dans des matériaux qui sont habituellement des isolants, comme des plastiques, pour éliminer l'électricité statique et éviter des étincelles qui sont gênantes, par exemple pour fabriquer des réservoirs de carburant ou des choses comme ça. C'est un peu gênant pour les réservoirs de carburant, on en conviendra. Et donc là, c'est pas une recherche, on va dire, qui fait appel à des concepts extrêmement élaborés, on utilise la morphologie du matériau, sa capacité à s'intégrer à d'autres composés bien maîtrisés, bien utilisés, et ça améliore l'existant. Par contre, on plaçait des espoirs énormes sur des fonctionnalités réellement nouvelles qui sont apportées par des propriétés qui n'étaient pas entrevues avec d'autres matériaux. Donc là, c'est ce dont on parlait à propos des transistors. C'est également ce dont il était question à propos des applications dans le domaine de l'optique ou même dans le domaine de la nanomédecine. Là, ça prend beaucoup plus de temps. Tout de suite, les concepts émergent, on voit ce qu'on pourrait faire, et puis après, pour que ce soit adaptable à grande échelle, commercialisable, il y a un travail un petit peu plus long de développement, de compréhension, qui est indispensable. Vous voyez, même les échelles de temps dont on parle là, 20 ans, c'est pas rien du tout. Pour la mise au point d'un matériau, c'est court. Il faut pas oublier que il a fallu presque 40 ans pour maîtriser la synthèse de cristaux très très purs et de grande taille de silicium. Qui sont les composants, enfin, le matériel utilisé dans l'informatique classique. Qui est le matériel utilisé dans l'informatique classique. Donc 20 ans pour la mise au point d'un matériau et la maîtrise de son utilisation, c'est court. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 dans la méthode scientifique, nous parlons donc des nanotubes de carbone, de leurs propriétés et de leurs applications. Nous en parlons avec Annick Loiseau et Christophe Voisin. On va revenir au point de départ. Annick Loiseau, c'est quoi un nanotube de carbone ? Alors, un nanotube de carbone, c'est un tube dont la dimension est entre 1 et 10 nanomètres, pour des longueurs qui maintenant atteignent dizaines, voire centaines de centimètres. Je crois que bon, il n'y a pas de limite maintenant aujourd'hui. On peut le voir comme un plan de la structure graphite. Alors le graphite, c'est ce composé de carbone qui est un empilement de plans. Dans chaque plan, de couches en deux dimensions. Un plan, c'est une couche en deux dimensions où les atomes de carbone sont arrangés au sommet d'un réseau d'hexagones. Donc en empilant ces plans, on obtient le graphite. Qui est la mine de crayon à papier. D'ailleurs, le mot graphite vient de grec ancien graphein, qui veut dire écrire. Et donc on prend un plan atomique, on le roule sur lui-même pour former un petit tube de ce diamètre donc entre 1 et 100 nanomètres, et on obtient un nanotube. C'est donc une couche de graphène roulée sur elle-même. Tout à fait. Alors, il faut bien voir que ici, on parle d'un objet qui, sur sa circonférence, va avoir une dizaine d'atomes. Donc, c'est extrêmement petit. C'est tellement petit que quand on essaye de faire passer des électrons à l'intérieur, ce qui est ce qui nous intéresse là pour les transistors et les ordinateurs, l'électron, en quelque sorte, est un peu à l'étroit dans ce nanotube. Et on commence à explorer non plus la nature corpusculaire de l'électron, mais le fait qu'il se comporte un peu comme une onde, comme nous l'a enseigné la physique quantique depuis le début du XXe siècle. Et il va en résulter des propriétés tout à fait originales, qui sont qu'une toute petite modification de la géométrie du tube, on parle ici par exemple d'une modification de son diamètre de un atome supplémentaire ou de, donc, on parle ici de quelques angströms, c'est la taille d'un atome d'hydrogène, ou une modification même de l'angle suivant lequel la feuille est enroulée sur elle-même, modifie du tout au tout les propriétés de l'objet. Alors ça, c'est très très intéressant. Avant d'en arriver justement à comprendre, parce que c'est effectivement assez passionnant, comment finalement la conformation spatiale de ces nanotubes va radicalement en changer les caractéristiques et les propriétés, peut-être qu'on peut expliquer que il y a plusieurs types de nanotubes de carbone, Annick Loiseau. C'est-à-dire voilà, en fonction de l'organisation. Voilà, tout est dans la façon dont on découpe par la pensée, on découpe un ruban dans la feuille de graphène et on l'enroule après sur elle-même, et tout dépend comment on a découpé le ruban par rapport au réseau hexagonal formé par les atomes de carbone. Pour vous le représenter, on a mis évidemment des illustrations sur le fil Twitter de l'émission, mais si vous n'avez pas tout de suite accès à ces images-là, ce sont des hexagones avec des atomes de carbone qui sont reliés entre eux par hexagone et qui s'agencent, et donc ça fait comme un tuilage, par exemple, de dalles au sol qui pourrait être organisé de façon différente. Voilà, donc on prend les réseaux qu'on utilise pour faire les casiers à poule, par exemple, on découpe un ruban là-dedans, on l'enroule sur lui-même, on obtient un nanotube. Et donc, autrement dit, l'angle spécifiquement, l'angle que va faire l'axe du ruban, c'est-à-dire la longueur du ruban, avec le réseau hexagonal, avec les hexagones, cet angle qu'on appelle hélicité, va déterminer les propriétés de transport électronique du nanotube. Suivant cet angle, on va avoir un nanotube qui va être métallique, c'est-à-dire conduire sans problème le courant électrique ou semi-conducteur, avec une capacité à conduire les électrons qui va dépendre de son diamètre et de cet angle d'hélicité. L'hélicité, c'est donc l'enroulement, on vient de vous le mettre, hein. il y a trois conformations, Christophe Voisin. Oui, tout à fait. Alors, habituellement, on distingue les tubes chaises, zigzag et chiro, qui sont en fait tous les autres. Les chaises jouent un rôle particulier parce qu'ils sont tous métalliques. Et puis, les autres, de façon générale, se répartissent statistiquement en deux tiers de semi-conducteurs, donc ceux qui ont le plus gros potentiel en termes de microélectronique et d'optique, et puis le dernier tiers qui sont métallique ou quasi-métallique, il y a des petites subtilités, mais peu importe. Annie Cloiseau, peut-être un mot pour aussi expliquer quelque chose qui va être important et qui va changer beaucoup les propriétés de ces nanotubes de carbone, c'est que on peut produire des nanotubes de carbone qui sont à paroi unique, c'est-à-dire juste un nanotube, au contraire en feuillets multiples enroulés les uns dans les autres. Enroulés ce qu'on appelle des nanotubes monoparois, c'est-à-dire c'est constitué juste d'un feuillet de graphène enroulé sur lui-même, ou alors ce qu'on appelle des multiparois, où là les tubes sont empilés à la manière des poupées russes. Donc, suivant les conditions de synthèse, on va obtenir l'un ou l'autre ou un mélange des deux. Les tubes multiparois, on peut dire que c'est la fibre de carbone ultime. Pourquoi ultime ? Parce que son diamètre est très petit par rapport aux fibres de carbone qu'on sait utiliser depuis 40 ans. Et je parle de cette filiation parce que pour synthétiser les nanotubes, les techniques qui sont développées maintenant à grande échelle sont des techniques qui sont héritées de celles des procédés industriels qui permettent de fabriquer les fibres de carbone. Alors justement, parlons des propriétés. On vient d'évoquer les propriétés de conduction ou non, de semi-conduction ou non. Il y a plein d'autres propriétés de ces nanotubes, Christophe Voisin. Oui, alors tout à fait. Donc les nanotubes semi-conducteurs, par exemple, ont également cette propriété extrêmement intéressante d'interagir fortement avec la lumière. Ils vont être capables soit d'absorber la lumière pour certaines couleurs spécifiques, on parle de longueur d'onde, donc ça peut être intéressant pour des applications de photovoltaïque ou autres imageries. Et puis, ils vont être également capables d'émettre de la lumière. C'est ce qu'on appelle des semi-conducteurs à gap direct, c'est-à-dire ceux qui sont les mieux couplés à la lumière. Et ils émettent cette lumière à nouveau de façon tout à fait spécifique en fonction de leur géométrie. Ça, c'est vraiment extrêmement étonnant, mais c'est un peu un paradigme en nanoscience. C'est-à-dire que l'élément chimique, ici le carbone, ne détermine plus à lui tout seul les propriétés du matériau. C'est toute la géométrie, la forme, la taille qui fait l'objet. Et j'irais même encore plus loin, c'est la forme, la taille de l'objet et son couplage avec ce qui l'entoure, puisqu'ici tous les atomes sont à la surface, qui détermine les propriétés de l'objet. Le couplage, ça veut dire que on peut grosso modo accrocher d'autres atomes à la surface de ces atomes de carbone qui constituent le maillage du nanotube. Alors volontairement ou pas, c'est-à-dire que inévitablement le nanotube va être quelque part, sauf expérience de laboratoire, il ne sera pas tout seul dans le vide. Et donc si on n'y prend pas garde, il va interagir de façon totalement aléatoire avec l'environnement, ce qui peut être catastrophique. Pour vous donner une idée tout à fait illustrative, en ce qui concerne l'émission de lumière, très rapidement, les études théoriques ont conclu que cet objet devait être capable d'émettre de la lumière. Entre 1993 et 2002, donc presque 10 ans, personne n'a vu la trace du moindre photon émis par ces nanotubes de carbone, sans qu'on comprenne réellement pourquoi. La raison en était que ces nanotubes, lorsqu'on ne prenait pas assez de précautions, s'aggloméraient entre eux ou interagissaient avec la matrice ou le liquide qui était autour d'eux, et ceci conduisait à l'extinction complète de leur luminescence, c'est-à-dire leur propriété à émettre la lumière. Et il a fallu attendre des travaux, d'ailleurs, dans l'équipe de Richard Smalley, le prix Nobel de chimie qu'on a évoqué tout à l'heure, qui a découvert les fullerènes. Voilà, pour comprendre qu'il fallait prendre soin de ces petits objets, les mettre... Il fallait bichonner. Voilà, exactement. Les mettre chacun dans une petite cage, on va dire, qu'on appelle une micelle, qui les isolait du reste du monde pour qu'ils veuillent bien nous montrer leurs propriétés optiques, là, en l'occurrence. Alors, on parle des propriétés optiques. Un mot encore, et puis on va aller vraiment voir de très, très près ces nanotubes, de très, très, très, très près. Un mot peut-être aussi sur les propriétés mécaniques qui sont très importantes et très intéressantes, Annie Cloiseau. Oui, alors le nanotube il y a une filiation avec le graphite dont on connaît les propriétés mécaniques qui sont liées à la force de la liaison carbone-carbone, donc les carbones qui sont dans les plans d'hexagone, et le nanotube bénéficie de cette propriété. Et cette liaison est extrêmement forte, extrêmement stable. Il faut monter à très haute température pour la casser. Et ça confère au nanotube une robustesse mécanique très 100 fois supérieure à celle de l'acier, dit-on. Voilà. C'est l'ordre de grandeur qui vous paraît. C'est l'ordre de grandeur, effectivement, qui a été avancé. Donc, il y a très peu de matériaux qui présentent des robustesses mécaniques équivalentes et alliées à une flexibilité. C'est-à-dire qu'on peut courber le tube jusqu'à un angle assez important sans rompre, sans modifier sa structure. C'est-à-dire que si on relâche la courbure, le nanotube revient dans son état initial. Donc, on a la combinaison de deux propriétés qui sont extrêmement intéressantes. Alors oui, Christophe Voisin, un mot. Plus la légèreté, parce que l'objet non seulement est extrêmement robuste, mais en plus est creux, est fait d'atomes de faible nombre atomique, c'est-à-dire un atome léger intrinsèquement. Donc c'est un objet qui combine quelque chose dont les ingénieurs rêvent, la légèreté, la flexibilité et la robustesse. Étonnez-vous ensuite qu'on a vendu ce matériau comme un matériau révolutionnaire, évidemment. Alors on va arriver, on va essayer justement d'aller comprendre un peu tout ça, comment ça s'organise, quelles sont les méthodes de production, parce qu'on va voir que là encore ça coince un peu. On va en tout cas essayer de comprendre des choses assez complexes, mais assez passionnantes. Céline Lezenne, vous avez remonté les manches, bonjour. Oui, ça m'arrive parfois. Ça vous arrive souvent, voyons. Oui. Alors, vous êtes allé dans l'un de vos endroits préférés au monde, l'Université Paris-Sud-Orsay, pour une plongée profonde dans l'univers nanométrique carboné. Oui, on l'a dit, certains nanotubes de carbone sont des semi-conducteurs et donc offrent des gros potentiels. Ils peuvent émettre de la lumière, la conduire ou bien la détecter dans le proche infrarouge. Laurent Vivien, chercheur CNRS, travaille en photonique et en particulier sur la photonique hybride des nanotubes de carbone sur silicium. Puisqu'il n'est pas encore possible de se débarrasser du silicium, l'idée est d'exploiter les propriétés optiques des nanotubes de carbone et de les intégrer ensuite sur des puces silicium. Les recherches sont encore au stade de développement, mais donneront bientôt des applications dans les domaines de la détection des lasers ou bien de la communication quantique. On travaille principalement sur la photonique du fondamental à l'appliqué. Et là, aujourd'hui, on va parler plutôt de la photonique hybride des nanotubes de carbone sur silicium, où on espère avoir un fort impact dans les futurs circuits de communication optique. Et nous, on exploite les propriétés photoniques de ces nanotubes de carbone parce que c'est des semi-conducteurs à gap direct et ils confèrent vraiment des très fortes propriétés optiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent conduire et émettre de la lumière dans une certaine gamme de radiation. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ces petits objets peuvent émettre de la lumière. Et on peut moduler la lumière qui est émise par une autre source de lumière et aussi on peut détecter la lumière. Donc ils peuvent réaliser tous les composants électroniques d'une chaîne de communication optique. Alors là, on va aller dans une salle de spectroscopie optique. On va caractériser les propriétés optiques et optoélectroniques de ces nano-objets. Donc je vais vous montrer un peu cette salle d'expérience et puis vous allez voir que avec beaucoup d'équipement, on arrive à caractériser finement les propriétés de ces nanotubes de carbone. Alors là, on se trouve dans une salle d'expérience principalement focalisée sur la spectroscopie optique. Donc on va caractériser la photoluminescence et l'émission de ces nanotubes de carbone. Alors le banc expérimental qu'on a ici est légèrement modifié par rapport à de la spectroscopie classique optique, car on va coupler la spectroscopie optique avec de l'optique intégrée, donc réaliser des nanocomposants optiques intégrés dans des guides d'ondes. C'est comme si on avait des canaux de lumière nanométriques. C'est une fibre optique miniaturisée à quelques centaines de nanomètres. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est un petit peu au-delà de l'électronique, on peut réaliser des composants extrêmement rapides, mais comment véhiculer cette information sur puce de façon également très rapide. Et donc, on réalise ici des circuits intégrés optiques où on intègre l'émission de lumière, la modulation ou le codage de l'information de cette lumière via un composant optoélectronique qui s'appelle le modulateur optique. Et ensuite, on propage cette information donc, dans des guides d'ondes, donc sur puce. Et à la fin, pour transcrire cette information, on va détecter l'information via un détecteur, transcrire l'information optique en information électronique. Alors, là, vous avez un microscope où vous avez une fibre optique en entrée, une fibre optique en sortie. Au milieu, vous avez l'échantillon qu'on a placé sous le microscope. Alors cet échantillon, on voit qu'il a imprimé des motifs. C'est comme un circuit intégré, microprocesseur. Là, c'est un échantillon qui a été fabriqué par ST Microélectronique. À quoi correspond tout ce design qu'on peut apercevoir ? Donc, sur la puce que vous voyez ici, vous avez une multitude de composants, à peu près une centaine, voire quelques centaines de composants sur un centimètre carré. Et à l'intérieur, on a réalisé plusieurs composants que vous voyez sur la caméra. Là, sur l'écran, on voit ce qu'on appelle un résonateur en anneaux. Donc, on a un guide d'onde qui fait 400 nanomètres de largeur. Et on a associé à ce guide d'onde, donc à cette ligne droite comme une fibre, mais à des dimensions de 400 nanomètres, un résonateur. Donc, c'est-à-dire un cercle, une boucle. Et cette boucle correspond à ce résonateur. Et la lumière, on va pouvoir l'emmagasiner à l'intérieur du résonateur en anneaux pour réaliser une amplification du signal émis. Et les nanotubes, ici, ils sont où ? On ne les voit pas, ils sont nanométriques, donc on a un microscope optique, on n'a pas cette résolution. On ne peut pas aller au-delà du micro. Voilà, on ne peut pas résoudre le nanomètre des nanotubes. Ils seraient où, là, par exemple ? Ils sont tout autour, et on excite les nanotubes de carbone via soit un laser ou soit un champ électrique. Et donc on peut voir qu'en sortie, ce graphe mesure l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Et on peut voir qu'effectivement, on obtient plusieurs pics d'intensité assez élevés, notamment autour des longueurs d'onde de 1200, 1400. Exactement. Donc les nanotubes intégrés au-dessus des résonateurs en anneaux vont générer de la lumière. Cette lumière va être couplée dans le résonateur en anneaux. Donc avec des accords de phase, on va avoir des interférences constructives. Et c'est ces pics qu'on voit. C'est des interférences constructives de l'émission des nanotubes dans ce résonateur en anneaux. Et on peut avoir une émission entre 1100 nanomètres et 1350 nanomètres dans ce cas-là, avec des peignes de fréquence. Et on peut imaginer faire des lasers multilongueurs d'onde avec un seul résonateur. L'idée futuriste, c'est de dire on va pouvoir faire un laser multispectral à base de nanotubes de carbone intégré sur silicium. Et donc là, ça ouvre également d'autres voies pour les systèmes multilongueurs d'onde de communication. C'est ce qu'on a réalisé avec le CEA de Saclay. On a fait un lien optoélectronique de communication à base de nanotubes de carbone. Mais c'est un gap technologique parce qu'on arrive à sélectionner les nanotubes de carbone, les déposer sur une plateforme de photonique silicium, de les orienter correctement pour pouvoir les contacter et de générer les propriétés optiques des nanotubes de carbone et de les coupler dans les guides d'ondes. Donc on arrive à faire des composants optoélectroniques à base de nanotubes de carbone sur une plateforme d'optique intégrée qui est aujourd'hui une des principales plateformes de photonique intégrée actuellement qui est à base de silicium. Voilà, le reportage du jour, peut-être un peu ardu, mais comme d'habitude, on a quelques images d'illustrations et c'est vrai que on entend ces descriptions d'instrumentation et d'appareillage que vous pouvez retrouver sur notre fil Twitter @laméthodefc. Mais Christophe Voisin, vous allez rendre ça d'une limpidité extrême maintenant tout de suite. Oui, donc ce qu'on a bien compris dans ce reportage, c'est que les nanotubes peuvent jouer un rôle très important comme interface entre le monde des ordinateurs et Internet. Internet, c'est quoi ? C'est de l'information qui circule essentiellement dans des réseaux de fibres optiques, ça veut dire sous forme d'impulsion lumineuse, alors que les ordinateurs, c'est le monde de l'électronique, c'est du courant électrique. Et il y a un moment, il faut transformer cette information du monde des ordinateurs au monde de la lumière pour passer dans les fibres optiques, et on a besoin d'objets capables de faire cette conversion. C'est tout le domaine de l'optoélectronique. Et ces nanotubes, grâce à la variabilité dont on a parlé tout à l'heure, vont pouvoir s'adapter à la lumière très spécifique qui est utilisée dans les fibres optiques, qui se situe non pas dans le visible, comme on a l'habitude dans la vie de tous les jours, mais dans le proche infrarouge, parce que c'est le domaine de radiation qui permet d'utiliser les plus longues distances sur les fibres optiques, parce qu'il y a peu d'atténuation à ces longueurs d'onde-là. Et il y a une grande recherche d'objets capables d'émettre de façon efficace de la lumière dans ces gammes de radiation à partir d'impulsions électriques. Les nanotubes sont un candidat sérieux pour faire ça. Annie Cloiseau, une réaction plus générale à ce reportage ou un commentaire ? Christophe Voisin a tout à fait décrit les enjeux qu'il y a derrière ces expériences. Où effectivement le nanotube, par ses propriétés électroniques, est capable d'émettre de la lumière dans un intervalle de longueur d'onde qui n'est pas couvert par d'autres matériaux semi-conducteurs classiques. Et là, le pas technologique, comme ça a été dit dans le reportage qui a été franchi, c'est d'arriver à faire ça avec une technologie existante qui est celle du silicium. Parce que ça, c'est un point vraiment crucial qui intéresse aussi bien la nature de l'article dont il est question pour cette émission, du MIT, que les expériences réalisées par Laurent Vivien, c'est d'utiliser les technologies existantes qu'on a mis si longtemps à mettre au point, qui était toute la technologie du silicium, qu'on utilise pour l'électronique, qu'on peut utiliser donc pour l'optoélectronique, et pour le développement au niveau industriel, c'est extrêmement important de pas tout casser la technologie existante, mais au contraire de repartir de la technologie existante. Et c'est ça aussi, la maturation qu'il y a eu avec les nanotubes depuis 20 ans, elle est là aussi. C'est cette capacité à utiliser la technologie existante. Armchair de Grant Lee Buffalo à 16h37 sur France Culture. Armchair parce que c'est la configuration chaise, on dit pas fauteuil, on dit chaise, hein, de l'un des nanotubes de carbone dont il est question aujourd'hui dans la méthode scientifique. Nous en parlons avec Annick Loiseau qui est directrice de recherche du laboratoire mixte CNRS Onera d'études des microstructures, et Christophe Voisin qui est professeur à l'université Paris Diderot et chercheur au laboratoire de physique de l'École Normale Supérieure. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Belfort avec Cécile Caudouro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur depuis l'année dernière. Vous travaillez sur les transports d'ADN par des complexes de nanotubes de carbone protamine. Je vous laisse nous présenter vos travaux. C'est gentil, merci. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et donc pour me permettre de présenter ici mon travail de thèse qui porte sur une application biomédicale des nanotubes de carbone, à savoir le développement d'une méthode innovante permettant le transport de fragments d'ADN par les nanotubes de carbone. Ce travail s'intègre dans un contexte bien plus vaste, celui de la thérapie génique, qui consiste à introduire du matériel génétique dans les cellules d'organismes vivants pour compenser les gènes anormaux ou pour permettre la sécrétion de protéines nécessaires au fonctionnement normal des organismes. Une des difficultés principales de la thérapie génique est liée au développement de vecteurs efficaces pour faire pénétrer l'information génétique au sein des cellules cibles. En effet, le vecteur idéal doit être un candidat robuste, capable d'effectuer un parcours semé d'embûches avant d'arriver à son but. Il doit ainsi pouvoir être injecté par voie intraveineuse et reconnaître et rejoindre les cellules cibles en évitant d'être éliminé par des composants du flux sanguin. Après avoir atteint sa cellule cible, il doit s'associer à elle, pénétrer à l'intérieur du cytoplasme, c'est le constituant principal de la cellule, par interaction avec la membrane cellulaire. Il doit également éviter d'être dégradé prématurément et enfin passer la membrane nucléaire pour libérer l'ADN dans le noyau. Avec le développement rapide des nanotechnologies, les systèmes de transport basés sur les nanomatériaux et particulièrement les nanotubes de carbone, qui ont déjà été bien présentés là dans l'émission, sont apparus comme très prometteurs. Mais l'utilisation des nanotubes nus, c'est-à-dire non modifiés, est limitée par leur toxicité cellulaire. Et un des enjeux principaux dans ce domaine est la fonctionnalisation de leur surface, c'est-à-dire sa modification par des procédés chimiques pour rendre les nanotubes le moins toxiques possible pour interférer avec des composés biologiques, dont des cellules mammifères. Alors à partir de ces postulats, notre équipe a voulu mettre au point un vecteur novateur permettant le transport d'ADN au sein de cellules cancéreuses. Nous avons alors imaginé un vecteur qui associe les nanotubes de carbone et la protamine, une petite protéine qui permet la condensation de l'ADN, étape indispensable pour protéger les nucléotides, ses constituants principaux. L'élaboration d'un vecteur efficace a nécessité plusieurs étapes, des étapes de découpe, de purification des nanotubes, de sonication, c'est-à-dire agitation par ultrasons du mélange nanotube-protamine, des étapes de filtration. Et c'est non sans peine, mais c'est aussi ça qui rend la recherche intéressante, que nous avons trouvé les paramètres optimaux pour proposer une méthode de synthèse fiable et reproductible. Nous avons ensuite associé les fragments d'ADN à nos vecteurs et réalisé des expériences de transfert cellulaire au sein de cellules MCF7. Ce sont des cellules tumorales mammaires qui sont utilisées dans de nombreuses études de biologie du cancer du sein. Ces expériences ont montré que notre vecteur avait une efficacité supérieure à plusieurs autres pour faire pénétrer l'ADN au sein des cellules. Alors, on s'est également intéressé aux mécanismes d'internalisation cellulaire de nos complexes et les données actuelles de la littérature divergent à ce sujet, probablement du fait de la variété des paramètres des différents nanotubes fonctionnalisés en termes de longueur, de densité de charge ou d'agents de fonctionnalisation. Les nanotubes de carbone peuvent en effet traverser les membranes par diffusion passive, comme des nano-aiguilles, ou au contraire par des mécanismes énergie-dépendants qui vont impliquer des déformations de la membrane. Celle-ci peut ainsi former des vésicules qui emprisonnent les nanotubes et se détachent à l'intérieur de la cellule avant de les libérer. En ce qui concerne nos complexes, nous avons réussi à montrer qu'ils pénétraient dans les cellules principalement par endocytose, qui est un mécanisme dépendant de l'énergie. Nous avons également eu la chance de pouvoir corroborer nos résultats d'expérience par des simulations dynamiques moléculaires grâce à la collaboration avec une équipe de collègues chercheurs spécialisés dans ce domaine. Ainsi, notre étude a permis de développer un vecteur efficace pour transporter du matériel génétique au cœur des cellules. Mais le chemin est encore long pour atteindre le but final, à savoir le remplacement de gènes inducteurs de cancer par des gènes sains à l'intérieur du noyau cellulaire. Merci beaucoup Cécile Caoduro pour cette présentation. Je rappelle que vous avez soutenu votre thèse au CHU de Besançon, au laboratoire de nanomédecine imagerie thérapeutique. Alors on a beaucoup parlé d'optoélectronique, d'informatique. Là on entre en plein dans le biomédical. Peut-être un mot, une réaction à Annick Loiseau, Christophe Voisin, à ces travaux de Cécile Caoduro. Christophe Voisin. Oui, alors l'application des nanotubes de carbone au biomédical, c'est un sujet très très vaste. Il faut savoir qu'il y a des conférences qui sont entièrement dédiées à ce sujet. Et il y a deux aspects, il y a le diagnostic, l'imagerie médicale et puis les aspects thérapeutiques dont nous avons entendu un exemple ici dans ce travail de thèse. Alors, les aspects imagerie rejoignent un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur les propriétés optiques, parce qu'il faut savoir quelque chose qui peut paraître un peu étonnant, c'est que les tissus vivants sont relativement transparents, non pas dans le visible, puisque nous ne voyons pas à travers notre corps, mais dans le proche infrarouge. À nouveau, ces longueurs d'onde qui étaient celles utilisées pour les télécommunications. Vous pouvez vous en rendre compte, par exemple, si vous approchez une lampe de poche ou une lampe rouge à travers votre main, vous allez pouvoir presque voir à travers le doigt ou à travers la main. Et quand on va plus vers l'infrarouge, c'est encore davantage marqué. Donc ces nanotubes qui émettent de la lumière dans ces domaines de radiation vont pouvoir rentrer à l'intérieur des tissus et être des sondes très petites, très précises pour voir à l'intérieur de la matière vivante. Et réciproquement, si on les utilise pour s'attacher spécifiquement à des zones malades, par exemple des cellules cancéreuses, en utilisant la fonctionnalisation, comme on a entendu dans le reportage ou dans l'intervention de la docteure, on va pouvoir utiliser le fait qu'ils absorbent cette lumière infrarouge pour venir endommager les cellules malades grâce à l'échauffement induit par l'absorption de la lumière. C'est la thermothérapie. Donc c'est à nouveau ici la conjonction de propriétés optiques tout à fait originales et leur capacité à aller à l'intérieur des tissus vivants qui en font un potentiel, qui leur donne un potentiel extraordinaire. Mais alors, vous l'avez évoqué, Cécile Cao-Douro, cette capacité du fait de la taille et des propriétés de ces nanotubes, effectivement, à pénétrer facilement les cellules, les membranes cellulaires, et y compris les membranes nucléaires. Ça pose aussi la question, et ça a été d'ailleurs évoqué par l'un de nos auditeurs sur Twitter en ce moment, de la toxicité de ces matériaux. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Cécile Cao-Douro. Oui, alors tout à fait, effectivement, on s'emballe un petit peu avec les nanotubes dans le domaine biomédical et on aimerait bien que ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est quand même limité par les études de toxicité qui ont déjà été faites. Alors les études, en fait, elles sont compliquées à analyser, il faut bien voir la standardisation en fait des caractéristiques parce que en fonction, comme on le disait, des types de fonctionnalisation, de la taille, de la surface, tout ça, ça va varier en termes de cytotoxicité. Mais c'est sûr que certaines études ont quand même montré des similarités structurelles et d'effets toxiques entre les fibres d'amiante et les nanotubes de carbone. Donc évidemment, les études doivent être extrêmement encadrées avec des études de cytotoxicité. Et c'est vrai que l'utilisation déjà en culture cellulaire, mais encore chez l'homme, est quand même très compliquée. Voilà. Annie Cloison, un mot à ce propos. Effectivement, il a été fait beaucoup de relations avec l'amiante. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux effets à avoir en tête, l'effet de taille. C'est-à-dire Le nanotube est beaucoup plus petit, oui, qu'une fibre d'amiante. Et puis, la nature du matériau. Dans un cas, c'est de la silice. Dans l'autre cas, c'est du carbone. C'est pas du tout la même chose. La compatibilité avec le milieu vivant est pas du tout la même. La façon dont aussi on a des possibilités d'éliminer un matériau en carbone pur n'est pas du tout la même chose qu'un autre type de matériau. C'est beaucoup plus simple, quelque part. Donc, il faut jamais oublier ça. Après, c'est vrai que on a beaucoup mis l'accent sur la toxicité des nanotubes à un moment donné. Il y a, comme l'a dit Cao-Douro, des études de toxicité qui ont démarré déjà un certain temps, qui se poursuivent. Il faut voir que si on veut étudier cet aspect-là, il faut prendre en compte le nanotube par rapport à sa géométrie, mais par rapport aussi au milieu dans lequel il évolue. Un tube fonctionnalisé va pas du tout avoir les mêmes propriétés, la même capacité à être stocké ou accumulé quelque part qu'un tube nu. Donc il faut prendre en compte l'objet avec son environnement, encore une fois. Et on a mis beaucoup l'accent sur les nanotubes parce que c'est un objet, dans les années 90-2000, c'était emblématique des nanosciences. On voulait parler d'un nano-objet, on parlait des nanotubes parce que c'est un objet très simple, c'est du carbone, etc. Mais les problèmes qui sont posés avec les nanotubes se posent pour tous les nano-objets de façon générale, tous ces composants ou objets qui sont si petits qu'ils peuvent rentrer dans n'importe quel type de cellule et effectivement avoir une forme de toxicité. Oui, voilà, je veux dire, c'est un problème qui est beaucoup plus générique et il ne faut jamais perdre de vue cela. Christophe Voisin, à ce propos. Oui, tout à fait, pour prolonger le propos d'Annie Cloiseau, les nanotubes de carbone et les nanomatériaux en général ont conduit à un changement de paradigme en termes d'études de toxicité. Avant, on avait l'habitude d'utiliser un matériau, quelle que soit sa forme. On regardait la dose, la dangerosité. En termes de nanomatériaux, tout va être important. Ça va être le détail de la forme, des coagents, c'est-à-dire des choses qui peuvent être ajoutées par inadvertance, les restes de catalyseurs, le fait que ces nanomatériaux soient agglomérés ou pas, qui vont changer du tout au tout la toxicité. Donc la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple à la question et qu'il faut vraiment regarder au cas par cas sur chaque type de matériaux et de la façon dont le matériau est utilisé pour pouvoir apporter une réponse à la question. Mais en ce qui concerne plus précisément les nanotubes de carbone, donc Pour les utilisations grand public dans des matériaux tels que on a évoqué tout à l'heure, le renfort mécanique ou dans des écrans de télévision ou autres, là, les choses sont relativement simples parce que si on peut tracer l'endroit où les nanotubes ont été incorporés, ensuite les détruire est très simple. C'est du carbone, ça brûle. Donc les éliminer ne pose pas de problème de toxicité, pas plus que de brûler un morceau de bois. C'est vraiment de la matière organique. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là à distinguer. Il y a le fait que certains matériaux, quand ils sont ingérés, doivent être vraiment caractérisés très précisément à l'avance pour pouvoir savoir leur dangerosité. Et puis, il y a dans les matériaux qui ne sont pas à usage biologique une capacité à les retraiter relativement simple, hein, sans gros problème. Et qui est plutôt plus simple que bien d'autres matériaux qui rentrent dans la composition de tout un tas de choses. De produits d'entretien, de produits cosmétiques, etc. etc. Oui. Bon, bah, ce sera l'objet d'une autre émission. J'aimerais tout de même aussi, j'ai lu une étude, je ne sais pas si quelqu'un peut m'en parler, parce que j'ai trouvé ça assez étonnant et assez surprenant, que pour rester encore un instant dans le domaine du biomédical, que des nanotubes de carbone avaient été employés pour réparer des terminaisons nerveuses. Oui. Annie Cloison, un mot là-dessus ? Oui, ça c'est des expériences qui ont été menées il y a déjà quelques années, mais qui ont des forts de développement. C'est qu'effectivement, on a constaté que il y avait une activité neuronale qui était facilitée en présence de nanotubes, qui étaient activés, et donc on pouvait effectivement faire pousser des neurones, faire de la culture de neurones, faire de la réparation de moelle épinière avec des nanotubes. Et moi, je trouve personnellement que c'est une application des nanotubes qui est assez extraordinaire. Christophe Voisin. Oui, c'est tout à fait fascinant. Donc ça, je pense en particulier à des travaux faits à Trieste, en Italie, dans l'équipe de Laura Ballerini ou Maurizio Prato. Les nanotubes, ici, jouent deux rôles différents. D'une part, il s'avère, un peu contre toute attente, qu'ils constituent un substrat tout à fait favorable à la repousse des neurones quand les fibres sont endommagées, mais d'autre part, leurs propriétés électroniques dont on a parlé tout à l'heure vont aider à interconnecter les neurones distants d'un point de vue vraiment électrique pour que la fonctionnalité de la fibre nerveuse soit restaurée même si le nerf en lui-même est encore endommagé. Donc il y a deux aspects ici pour restaurer les fibres nerveuses endommagées qui sont liées à la morphologie de l'objet et à ses propriétés électriques. Donc c'est vraiment tout à fait fascinant. J'aimerais qu'on aborde, parce qu'on arrive dans les derniers moments, les dernières minutes de cette émission, un autre, on a parlé de l'optoélectronique, de l'informatique, du biomédical. J'aimerais qu'on aborde peut-être avec vous, Annie Cloiseau, une autre, il en a été question hein, dans les propriétés optiques et aussi dans le transport de chaleur, puisqu'il n'est pas que question d'optique en l'occurrence, sur les applications pour le solaire que vous avez évoqué tout à l'heure, Christophe Voisin. Pourquoi est-ce que les nanotubes de carbone sont intéressants dans le développement et la recherche autour de l'énergie solaire? Là, ça touche encore une fois les propriétés optiques des nanotubes et la capacité qu'ils ont quand ils sont immergés dans un film transparent, de préserver la transmittance de ce film. Après, sur l'aspect propriété optique, je passerai peut-être la parole à Christophe. Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'aspects dans le domaine du photovoltaïque et des nanotubes, mais il y en a un qui est relativement facile à comprendre, c'est que le soleil nous envoie de l'énergie sous forme de lumière visible, mais aussi sous tout un tas de formes de radiation auxquelles notre œil n'est pas sensible. On parle encore une fois de l'infrarouge. Et il se trouve que les semi-conducteurs qu'on utilise dans les panneaux photovoltaïques traditionnels, comme le silicium par exemple, ne sont pas capables non plus d'utiliser cette fraction de l'énergie solaire. Les nanotubes, eux, viennent remplir ce vide et en sélectionnant leur diamètre de façon appropriée, en prenant des diamètres assez gros, on va pouvoir boucher ce trou qui était une pure perte, hein, qui limitait les rendements des cellules photovoltaïques à quelque chose comme 20% au mieux. On va 30% pour les meilleurs. Oui, voilà, mais à base de silicium, voilà, c'est à peu près le standard. Là, on va pouvoir augmenter ce rendement en utilisant cette fraction qui était perdue. Ça, c'est un des aspects. Après, la morphologie et les propriétés de conduction électrique des nanotubes rendent aussi un grand service puisqu'ils vont permettre d'exploiter la cellule dans son épaisseur, parce que le réseau de nanotubes va s'interconnecter naturellement par percolation et va pouvoir collecter les charges générées par la lumière sur une épaisseur beaucoup plus grande que dans les technologies semi-conducteurs qui sont habituellement juste des technologies de surface. Donc il y a beaucoup d'autres aspects, mais ce sont à mon avis les deux plus prometteuse. Quels sont aujourd'hui les enjeux de production? Parce que ça reste encore, il y a plusieurs. Alors on n'a pas parlé des deux techniques à haute température ou à moyenne température. Mmh. C'est peut-être un peu technique. On peut vous mettre quelques liens à ce propos sur la façon dont on fabrique ces nanotubes sur le fil Twitter de l'émission sans rentrer dans le détail. Mmh. Mais néanmoins, c'est un vrai enjeu industriel aujourd'hui. Oui, bien sûr. Annie Cloiseau. Comme je le disais tout à l'heure, la technique est largement utilisée aujourd'hui et est héritée de la synthèse des fibres de carbone qui consiste à craquer un précurseur moléculaire qui contient du carbone à la surface de petites particules métalliques. Alors quand je dis petites particules métalliques, c'est-à-dire quelques nanomètres de diamètre, et les métaux, c'est du nickel, du cobalt, du fer, ce genre de métaux. Et donc la molécule se décompose à la surface de ces petites particules, libère le carbone, qui ensuite se réorganise à la surface de particules pour former un petit chapeau, composé où les atomes de carbone s'organisent à la surface d'hexagones, au sommet d'hexagones, et il y a des pentagones aussi. Et puis le carbone arrive progressivement, s'incorpore au pied de la petite calotte qui pousse donc par le pied pour former un nanotube. Donc là, tel que je le dis, ça paraît tout simple. Il a fallu plusieurs années pour que la communauté scientifique se mette d'accord sur ce schéma de croissance. Donc synthétiser des nanotubes se fait avec ce type de procédé à l'échelle industrielle. Il y a des producteurs en Chine, au Japon, en France aussi, mais aussi en France, et en Europe. Pour ne pas le citer. Il y a Nawak Technologies, il y a Nanosil en Belgique, il y a aussi la société Canatu en Finlande. Il y a des gros producteurs en Chine et au Japon. Ce qu'on ne sait pas, donc le procédé industriel existe. Là où on a un peu de mal, c'est à être déterministe pendant la synthèse, c'est-à-dire décider des conditions de synthèse qui permettent d'obtenir un tube d'un type ou d'un autre. Avec une conformation fauteuil, chirale, ou zigzag, où on maîtrise le diamètre et on maîtrise ce qu'on a appelé tout à l'heure l'angle d'enroulement, l'hélicité, donc qui détermine les propriétés électroniques. Alors, il y a des pistes aujourd'hui. Quand on lit la littérature, on lit des résultats qui participent un petit peu d'une démarche empirique où on arrive à avoir des nanotubes qui vont être plutôt métalliques ou plutôt semi-conducteurs. On cherche à modéliser les modes de croissance pour comprendre sur quels paramètres jouer pour maîtriser la synthèse de tel ou tel type de nanotubes. On a fait d'énormes progrès depuis 10 ans. On sait maintenant sur quel type de choses il faut jouer. C'est vraiment du design des particules de catalyseurs à partir desquelles les tubes poussent. Tout se passe au niveau de ces particules. En un mot, comment améliorer encore peut-être ces rendements et cette production industrielle? Vraiment en un mot, Christophe Voisin, parce qu'on arrive à la fin. Oui, alors il y a une autre piste qui est tout à fait fascinante de mon point de vue, c'est le tri post-croissance, c'est-à-dire que les croissances qu'on a évoquées font toute une variété d'objets. Ils sont à l'échelle atomique différents, mais pour nous, vu de loin, c'est très très similaire. Et pourtant, on arrive à les séparer avec une précision extraordinaire, des puretés de 99,99%, grâce à des méthodes chimiques relativement simples à mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment ce qui est utilisé dans les applications aujourd'hui. Merci infiniment à tous les trois. Merci Annie Cloiseau, merci Christophe Voisin, merci beaucoup Cécile Caoduro. Merci également à nos camarades de France Bleu Belfort pour le duplex. Je vous rappelle que comme tout le mercredi aujourd'hui, vous pouvez retrouver les idées claires sur votre application de podcast ou sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. L'idée que nous tâchons de remettre au clair aujourd'hui, c'est à propos de la dangerosité du cannabis pour la santé. Est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas? Eh bien, des éléments de réponse dans les idées claires de la semaine. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lozette, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Inès De Bruyne à la technique. Demain, une voix fameuse pour les auditeurs de France Culture viendra ici dans ce studio de la méthode scientifique pour nous entretenir du vide, le vide qui est quasiment l'anagramme de Dieu. Étienne Klein sera notre invité demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.